Pour sa troisième édition, pendant tout le mois de juin, les 36 structures de l'IAE que compte le territoire Grand Nancy ouvriront leurs portes aux professionnels de l'accompagnement des publics en insertion. En parallèle de ces portes ouvertes, à destination des professionnels, vous pourrez découvrir une exposition de création artistique réalisée par les salariés de 14 structures de l'IAE. L'exposition s'intitule « Déclinaison en vers, l'insertion s'engage », à voir du 4 au 30 juin à l'hôtel du département. 48 Esplanade Jacques Baudot à Nancy, l'entrée est libre. Le mois de l'IAE est porté par le service territorial Insertion du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle.